cours numéro 15. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقوله قالوا كذلك قال ربك متضمن لإثبات صفة القول له أي لله عز وجل. Donc كما تقدم dans le درس précédent أن هذا فيه رد على المعطلة. Ceux qui prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala لا يتكلم ولا يقول. Le verset il est clair. Les anges ils ont dit كذلك قال ربك. وقوله إنه هو الحكيم العليم متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم الذين هما مصدر الخلق والأمر فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. Ça, ça nous montre أن dans les versets du Coran, quand à la fin tu as des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, مثلا هنا هنا إنه هو الحكيم العليم. أحيانا tu as السميع العليم. أحيانا tu as une autre formulation. وكان الله غفورا رحيما. En général quand tu as deux noms, بل tout le temps, لأن الله سبحانه وتعالى c'est le حكيم et كلامه c'est le حق. Quand tu as deux noms à la fin d'un verset ou plusieurs ou un nom, il y a une مناسبة. الله سبحانه وتعالى il a cité ce nom هنا parce qu'il y a une énorme leçon. فهنا قال إنه هو الحكيم العليم. أي الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a décidé que cette femme elle allait tomber enceinte, elle allait avoir un garçon parce que c'est le حكيم العليم. العليم الله سبحانه وتعالى il sait tout et il a su que cette femme elle allait avoir cet enfant. Pourtant cette femme elle a été étonnée. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas. Alors que الله سبحانه وتعالى il sait tout, c'est le عليم. Et الحكيم الله سبحانه وتعالى il a une حكمه que cette femme elle ait cet enfant. متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم الذين سدوا صفة الحكمة والعلم لأن chaque nom il englobe un attribut الحكيم l'attribut de الحكمة العليم l'attribut du علم ces deux noms qui englobent ces deux attributs la sagesse et la science هما مصدر الخلق والأمر. تأمل هذا الله سبحانه وتعالى quand il crée quelque chose forcément avant de créer cette chose الله سبحانه وتعالى il savait. Allah subhanahu wa ta'ala il est bikulli shay'in alim. Et kadalik tout ce qu'il crée azza wa jal c'est bi hikma. Donc hada fi al haqiqa c'est un rad kadalik on peut rajouter ala al qadariyya al dhullal ceux qui pensent que Allah subhanahu wa ta'ala il a pas créé le mal. Limadha li'annahum ils ont pas compris hada. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le mal bien sûr et kadalik ce mal le mal il revient pas au fi'l d'Allah azza wa jal comme taqaddam ma'ana la. C'est un mal pour nous en apparence, ou il a cette chose qui comporte un mal pour nous, il y a un énorme bien et il y a une hikma. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim, c'est l'alim. قال فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. كذلك on a parlé de la création quand Allah il crée quelque chose. كذلك الأمر si Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne quelque chose. La chaque année, cet ordre, il est fondé sur l'ilm ou l'hikma. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de faire salat, de faire siyam, de délaisser l'alcool, azina, tout ça, c'est fondé sur l'ilm et sur la sagesse, sur l'hikma. C'est un bien pour toi. قال والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القومية. هنا il y a une erreur. القومية, الصواب, c'est القيومية. القيومية أي أن الله سبحانه وتعالى سلحي سلقيوم. قال والقدرة والبقاء والسمع والبصر والسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. سيدونو العلم العليم الحكيم كي انقلوب سي دوز اتريبو العلم والحكمة سي دوز اتريبو فالحقيقة ils englobent tous les attributs parfait. لماذا؟ لأن celui qui a du علم forcément il est vivant. Forcément, il a al-qudra, il a de la capacité, bel, il est capable de tout. Forcément, s'il a du ilm, c'est que il est vivant et il restera. Sa vie, elle est parfaite. Kadalik, s'il a du ilm, c'est qu'il entend, c'est qu'il voit, etc. Hadha sifat al-ilm, ça va impliquer ou plutôt englober tous les autres attributs. Wa hakadha al-hikma, qala wal-hikma tatadhamman كمال الإرادة من العدل والرحمة والإحسان والجود والبر، ووضع الأشياء مواضعها على أحسن وجهها، ويتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب. الحكمة، الله سبحانه وتعالى سي الحكيم، vu que c'est le hakim c'est qu'il a l'hikma. Si la l'hikma, c'est que il a kamal al-irada, il a l'attribut de la volonté. Kadhalik, si la l'hikma, c'est qu'il est juste. Celui qui est sage, c'est qu'il est juste. Kadhalik, si la l'hikma, c'est qu'il a de la rahma. Wa hakada, tous les attributs qu'il a cités, rahmatullah alayhi. قال كل هذا يعلم من اسمه الحكيم كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا أو سدى أو باطلا. دونك هذه الآية فيها رد على المعطلة أن الله سبحانه وتعالى إلى des attributs، وكذلك فيها رد على الملاحدة ceux qui prétendent que الله سبحانه وتعالى إلى créé les choses sans aucune sagesse. Ayyadam billah. Fatamal ce verset. Stafadna dans le dars précédent des fawaid dans la langue arabe. Des fawaid dans le bon comportement. Que ça soit par rapport au repas, par rapport à l'invité. Kadhalik, des fawaid dans al-aqid. Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la parole. Kadhalik, dans ces versets, dans ce récit, l'histoire d'Ibrahim avec ses invités, en Allah subhanahu wa ta'ala, dans le dernier verset, قال إنه هو الحكيم العليم تستفيد des فوائد كثيرة dans les noms et dans les attributs d'Allah Azza wa Jal. هذا c'est quelques versets من سورة الذاريات. هذا ça nous montre l'importance de هذا العلم. Et c'est pas fini. قال رحمه الله فنفس حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب، ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل وأن السمع ورد بالتفصيل ما يدل العقل على إثباته. نعم، كذلك الحكمة تتضمن الشرع والقدر. نعم، القدر أي le destin s'est fondé bien sûr sur la sagesse d'Allah, sur la hikmah. Et هكذا الشرع, la religion, أي الأوامر والنواهي, tout ça, les interdictions, les obligations, tout ça s'est fondé sur la hikmah. وهكذا الثواب والعقاب. الثواب والعقاب أي الله سبحانه وتعالى إلى كخي البشر الإنس والجن plutôt الثقلين هؤلاء seront ressuscités auront des comptes à rendre. Ça fait partie de la حكمة d'Allah عز وجل. قال ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك وأن الله سبحانه يضرب لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى. وهذا المعاد أي المعاد هنا c'est la résurrection. La raison elle l'accepte. أي أن الإنسان il a eu une durée de vie pour œuvrer et العاقل il accepte هذا. من حكمة الله عز وجل أن tout le monde sera ressuscité, tout le monde rendra des comptes. وإلا le fait de ne pas être ressuscité c'est cela qui contredit la raison. كيف إنسان il vole, il tue, il fait du mal, il est injuste et il échappe à la justice dans ce bas monde. La justice matalan des hommes, annahu il est pas emprisonné, il est pas tué, il est pas et il meurt et خلاص toutes les injustices il paiera jamais. Ça contredit la raison. Bal al-aql as-sahih il accepte هذه الحكمة العظيمة. قال فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. مثلا on peut citer un verset هنا قوله عز وجل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. قال الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هذا المثال que الله سبحانه وتعالى il a cité في القرآن dans plusieurs versets أن الله عز وجل c'est lui qui fait tomber la pluie, qui déplace les nuages avec les vents et la pluie elle tombe. قال فسقناه إلى بلد ميت. Mayitin. Allah subhanahu wa ta'ala, ces nuages se dirigent en direction d'une terre matat bimada bil qaht wal jafaf. Une terre aride, tellement que dans certains endroits il fait chaud, certaines terres, il n'y a rien, il n'y a ni plantes ni verdure. Wala shay. Qala fa ahyayna bihi al ard ba'da mawtiha. La pluie elle tombe, cette terre elle revit. Tu passes quelques jours après, et tu trouves des plantes, de la verdure, etc. Qui c'est qui a fait revivre cette terre morte? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل كذلك النشور. Et il réfléchit sur cet exemple de la terre morte qui revient avec la pluie. كذلك النشور. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala, il fera revivre les morts. Celui qui est capable de faire revivre une terre morte, pourquoi il ne serait pas capable de faire revivre un être humain? C'est quoi la différence? Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. قال ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله ومنته على عباده عن غيرها كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس. نعم, celui qui réfléchit sur ce genre de amthila, on en a cité un avec la pluie par rapport à la résurrection, فسيستفيد كثيرا. قال وإن ساعد التوفيق من الله كتبت في ذلك سفرا كبيرا. السفر سي الكتاب. فابن القيم رحمه الله قال وإن ساعد التوفيق, أي سي الله سبحانه وتعالى لي فاسيليت, il avait l'intention d'écrire un livre sur هذا. سفرا كبيرا, ne pas confondre هنا avec سفر, ne pas lire سفرا كبيرا. لا, السفر c'est le voyage, et السفر بكسر السين وسكون الفاء, وهنا بمعنى الكتاب. قال لما رأيت في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء والهدى والسرعة الإيصال وحسن البيان والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما يطلج له الصدر ويشرق معه اليقين بخلاف غيره من الأدلة فإنها على العكس من ذلك وليس هذا موضع التفصيل. والله أعلم هذا الكتاب, لكن المحقق درحاشية قال ذكر المؤلف بعض هذه الأدلة وتكلم عليها في إعلام الموقعين. نعم, donc certains de ces adillas, de ces preuves من القرآن أو من السنة, il les a cités في إعلام الموقعين. أما livre, لأن هنا il a qualifié سفرا كبيرا, un livre avec beaucoup de volume, etc. فالله أعلم. Certains livres de l'imam Nurqayyim, rahimahullah, ils sont perdus jusqu'à aujourd'hui. Certains livres, ils ont retrouvé qu'une partie, comme As-Sawa'iq al-Mursala, il a été imprimé en deux volumes, et c'est que la moitié apparemment, il manque une moitié. Et d'autres livres, ils ont été perdus complètement. فَنَسْأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُوَفِّقْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ لِخِدْمَةِ هَذِهِ الْكُتُبِ. On a un exemple, on a fait tabou qui a quelques pages, l'explication, pas en détail. Fakat, il a cité en guise d'exemple certains points à retirer de cette histoire. Fama baluk hadha al-imam, rahimahullah, law fassara al-Qur'an min awwalihi ila akhirih. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, lahu al-hikmatu al-baligha. Et d'autres savants, bien sûr, ils ont expliqué kalam Allah azza wa jal. قال والمقصود أن مصدر الأشياء خلقا وأمرا عن علم الرب وحكمته. هذا donc on retire هنا أن الله سبحانه وتعالى tout ce qu'il crée et tout ce qu'il ordonne ou il interdit c'est fondé sur la science et la sagesse. الله سبحانه وتعالى c'est العليم et الحكيم, et ces deux noms ils englobent beaucoup de sens et beaucoup d'autres attributs. ولله الحمد, on a cité certaines فوائد de l'imam Nulqayyim et d'autres savants, rahimahumullah, dans notre explication des noms d'Allah Azza wa Jal, qu'on essaiera de propager prochainement, bitawfiqillah. قال واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائها لهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد. Pourquoi Allah سبحانه وتعالى il a cité, on revient à notre verset, annahu c'est l'hakim, c'est l'alim, après l'histoire de Ibrahim et de sa femme, limada, li anna, en général, et à la base, c'est que, à cet âge, cet homme et cette femme, ils n'auraient pas pu avoir d'enfants. Li ta'ajjub innufus min tawalludi mawlidin bayna abawain la yulad li mitlihima. Qal wa khafa al-ilm bi sabab hadha al-ilad. Et en tant qu'être humain, on n'a pas la science. Pourquoi haoula, ils peuvent avoir un enfant? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait tout. Wa kawn al-hikma qtadat jarayan hadhihi al-wilada ala ghayri al-adati al-ma'rufa. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala, hikmatun azima, anna cette femme allait avoir un enfant de hadha al-nabi al-karim, Ibrahim alayhi salatu salam. Cet enfant, c'est devenu Ishaq, un prophète lui-même, alayhi salatu salam, et Ishaq, il a eu un autre enfant, Ya'qub. Et Ya'qub, il a eu un autre enfant, Youssef. Wa hakada. des prophètes et des messagers, la descendance de Ibrahim et de Ishaq. قال فذكر أو فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك قوم لوط. نعم. ثم في سورة الذاريات الله سبحانه وتعالى إلى السيتي أن هؤلاء ces anges ils ont été envoyés pour détruire le قوم de لوط. هؤلاء المجرمون qui ont fait sept énormes péchés. أنهم ils avaient des rapports entre eux, عياذا بالله. قال وإرسال الحجارة المسومة عليهم وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم. Ça, ça montre أن الرسل ils étaient على حق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يشاتي leurs ennemis. Et كذلك ça montre أن هذه الجريمة c'est un grave péché. الله سبحانه وتعالى il a détruit un قوم. Il a détruit un قوم, il les a châtiés à cause de هذه الجريمة, الليوات, l'homosexualité. On vit à une époque أن بعض الناس ils essayent de faire croire que c'est quelque chose de normal. بل on vit في غربة عظيمة. Notre époque, cette époque où il y a beaucoup de mal, beaucoup de fitan, أن بعض المسلمين ils disent qu'il n'y a pas de mal. Encore plus grave, بعض هم ils disent ils sont libres. Pourquoi les accuser? Et tous ces versets du Coran. On lit ces histoires, بعضهم, ils les écoutent, ils les lisent à leurs enfants. لماذا quand on arrive à هذه الفائدة العظيمة, أن الله عز وجل il a châtié ce peuple à cause de ce péché. ثم on dit là, ce péché, il n'y a pas de mal. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il les a châtiés? Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'alim, c'est l'hakim. S'il les a châtiés, c'est bi'ilm et bi'hikma. Et que ce péché c'est haram, et al-hikma c'est que ce genre de personnes, ils ne méritent pas de vivre, iyadun billah. Enfin, comment dire Anna là, il n'y a aucun problème. Non. Et ce n'est pas à nous, ne pas comprendre Nadal Kalam, ce n'est pas à nous de châtier Haoula. Là, ça revient au gouverneur. Ça revient au gouverneur de châtier Haoula. Là, nous, en tant que croyants, la moindre des choses, c'est de dire clairement et d'avoir cette conviction que l'homosexualité, c'est haram, c'est un grave péché. À me dire que ils sont libres. Ah, ou c'est normal. Ils ont inventé un mot, l'homophobie. Tout ce qu'elle aime faire, voilà, c'est très très grave. Ça contredit ce texte du Coran. لماذا لأن الله عز وجل il a rendu l'homosexualité haram. La preuve, il a châtié un qom. Il a châtié un peuple à cause de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit l'homosexualité. قال اقتلوا الفاعل والمفعول. Celui qui a fait, celui qui a reçu, yadam billah. Les deux, le gouverneur, il doit appliquer la sentence. Jami' al-ulama, l'unanimité des savants de l'islam, annahum, ils interdisent l'homosexualité. Ils montrent que c'est haram. لماذا هذه المخالفات? Pourquoi? Pour satisfaire les koufars. Les koufars, ils ont un but, hum, c'est qu'il n'y a plus de din. هذه الحكمة العظيمة, telle chose c'est halal, telle chose c'est haram, hum, ils n'en veulent plus. لماذا? لأنهم, c'est des fujjar, c'est des koufars. Ils veulent vivre comme des animaux, iyadam billah. Amma nahnu, en tant que croyants, là. Et hum, ils ont un principe, Anna, tu dois exposer tes idées, tu dois t'exprimer, tu es libre. Donc, en tant que croyant, wallah, alhamdoum, on a cette conviction. Là, que vous avez remarqué que quand c'est une conviction d'un croyant, مثلا, on dit que la polygamie, c'est légiféré dans notre dîn, on dit que l'homosexualité, c'est haram. Pour eux, tout ça, il n'y a plus de liberté, là. T'es un intégriste, t'es un kada. Ça montre à nous, c'est des kadhab. Hum, ce qu'ils veulent, c'est faire al-fahisha. Appliquer, pratiquer هذا المنكر يدن بالله. Et vu que les croyants ils sont بعيد عن هذا, ça les dérange. ثم قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ففرق بين الإسلام والإيمان هنا للسر اقتضاه الكلام. صحيح. Dans ces deux versets, Allah عز وجل قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Allah سبحانه وتعالى il a fait sortir de cette ville, ce village, cette région qui avait هؤلاء المجرمين قوم لوط, il a fait sortir les croyants. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Et il n'y avait qu'un bait, qu'un foyer de musulmans. Donc le premier verset il a cité al-mu'minun et le deuxième al-muslimun. Pourquoi? قال ابن القيم رحمه الله فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أي أنجينا الله سبحانه وتعالى إلى الصوفي لك خويا. قال فهو إخراج نجاة من العذاب ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا. Ça, ça nous montre أن la plus grande cause pour être sauvé, pour être préservé في الدنيا والآخرة c'est l'Iman. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Les croyants qui étaient à cette époque, ils ont été sauvés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a châtié al-mukadhibin, ceux qui ont rejeté le message et qui appliquaient ce grave péché, yadam billah. قال وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أي يعني un bayt de muslim لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم لأن نعم لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت. هذه فائدة عظيمة. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هذا البيت يعني la femme de لوط لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت. لوط on n'a pas précisé لوط c'était un nabi عليه الصلاة والسلام. قوم لوط c'est son peuple qui pratiquait cette فاحشة وإلا لوط c'était un nabi et il était marié avec une femme وهي مسلمة في الظاهر elle faisait apparaître l'islam. فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. Vous avez remarqué que elle a pas été sauvée. لماذا؟ لأنها c'était pas une croyante. قال عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. La femme de Lot, elle n'a pas été sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cru. C'était une kafir. Thumma, quand Allah il a cité le bayt, vu que cette femme, elle faisait partie du foyer, قال عز وجل, فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah subhanahu wa ta'ala, il les appelait muslimines. Pourquoi? Parce que dans ce foyer, il y avait une femme qui ne croyait pas, elle faisait apparaître l'islam. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il les appelait muslimoun. وَإِلَّا cette femme, elle ne croyait pas. Il y a une différence entre l'islam ou l'iman, et واحد peut faire apparaître l'islam comme le cas des munafiqoun, tu dis que c'est un muslim, لكن il ne croit pas, c'est pas un mu'min. فهذا ça c'est une فائدة جميلة. وقد أخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوط وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم. نعم c'est une كافرة عيدا بالله. قال وليست خيانة فاحشة. نعم على بطخي لوط بالفاحشة. Toutes les femmes des prophètes et des messagers, ils ont jamais trahi leur mari, qui était prophète ou messager, bilfah, inshallah. قال, فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرا وليست من المؤمنين الناجين. نعم, لأنها ne croyait pas. Et elle a été châtiée مع القوم الظالمين. قال, ومن وضع دلالات القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يهز العقول ويعلم معه تنزل نعم نعيد قال ويعلم معه تنزله من حكيم حميد. نعم celui qui médite sur les versets du Coran il n'a plus aucun doute que c'est كلام الله. Prends cette فائدة la différence هنا entre le musulman et le mu'min. كذلك toutes les فوائد qu'on vient de citer avec Ibrahim. Et si tu viens à rassembler les fawa'id min surat al-Fatiha jusqu'à surat al-Nas, tu vas trouver al-ajab al-ujab. لماذا لأنه تنزيل من رب العالمين كما قال عز وجل. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé هذا القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Aucune contradiction في هذا الكتاب. C'est pour ça que al-kuffar ils le combattent nuit et jour. Et ils essayent d'éloigner les croyants de ce Coran nuit et jour. لماذا لأن هذا القرآن فيه الهدى والنور والرشاد. قال وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو أن الإسلام أعم من الإيمان. فكيف استثنى الأعم من الأخص وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس وتبين أن المسلمين مستثنين مما وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين غير مستثنين منهم أو مستثنين منهم بل هم المخرجون الناجون. نعم هذا سليا أسكون vient de voir la différence entre المؤمن والمسلم الإسلام والإيمان et on a déjà détaillé ce point كثيرا. وقوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قال فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد. سأصنع فائدة عظيمة أن هذه القصص tous ces récits qui sont cités في القرآن الكريم et tous ces آيات qui ont été révélées au prophète صلى الله عليه وسلم, celui qui profitera de هذا, c'est celui qui craint Al-Adab Al-Alim, et qui croit au jour dernier, qui croit en Allah et à son messager. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. C'est pour ça que ces versets, هذه الآيات العظيمة, et ces récits, si un kafir min al-kuffar, il les entend, et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne guide pas son cœur, ça ne lui fera rien du tout. Alors Obama, très simplement, il peut se moquer, ou insulter, ou rejeter, ou accuser que c'est un mensonge. Comme à l'époque du prophète, alayhi salatu salam, ils l'ont accusé de sahir, de kazab, de majnoun. Amma, alladhi yakhaf Allah, wa yakhaf hadha al-adab al-alim, ça va être utile pour lui. Limadha, li'anna, on n'est pas à l'abri du châtiment. Comme, mathalan, qawm Lut, ils ont été châtiés. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de l'égarement. Comme al-Yahoud ou al-Nasara, les chrétiens et les juifs, ils ont été égarés. On n'est pas à l'abri de l'enfer. Tant qu'on est vivant, on n'est pas à l'abri. Alladhi yakhaf, celui qui donne du temps pour comprendre هذا العلم, ça va l'aider بإذن الله عز وجل. Et c'est le but de هذه الرسالة العظيمة. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a expliqué, il a simplifié هذا الطريق, il te l'a montré. Hey, tu es voyageur, tu as un objectif, tout le monde arrivera. Hey, l'arrivée de tout le monde, c'est la mort. Enfin, tu es concerné. Et rahmatullah alayh, dans ce livre, il nous a montré as-sabil, le chemin, les provisions. Kama taqaddam. Qala rahimahullah, innama yantafi' biha man yu'minu bil ma'ad. Hey, celui qui croit en la résurrection, au jour du jugement, etc. Wa yakhsha 'adab Allah. C'est pour ça que dans le Coran al-Karim, beaucoup de versets sur l'adab. Pourquoi? C'est pas que fait que pour écouter et apprécier la voix du récitateur. Ça, c'est une grave erreur. Si le Coran, notre objectif, ça devient que d'apprécier la voix, ben, tu vas écouter un récitateur qui a une belle voix et ça s'arrêtera là. Qui parle de châtiment, ou de récompense, ou de comportement, ou une obligation, ou une interdiction, ça changera rien pour celui qui écoute. L'Ibad Aliana, son but, c'est d'apprécier la voix. Al-Qur'an, il n'a pas été révélé pour qu'on apprécie la voix. Faqat là, la voix, elle nous aide. C'est pour ça que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال تغنوا بهذا القرآن ورتل القرآن ترتيلا. Ça, ça nous aide à tertil ou à tغني بالقرآن ou à tajwid. Ça doit nous aider à se recueillir, à méditer plus. Non, c'est un moyen. Amma, on oublie l'objectif, la base, le but, le sens des textes et on se focalise que sur la voix. C'est pas la voix des compagnons radiyallahu anhum abadan. Qala wa yakhsha 'adab Allah kama qala ta'ala fi mawdi'in akhar inna fi dhalika la ayatan liman khafa 'adab al-akhirah. Inna fi dhalika la ayatan, pour qui? Il y a un signe, il y a un rappel pour qui? Liman khafa 'adab al-akhirah, pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est la différence entre Al-Mu'min et Al-Kafir. C'est quoi la différence entre le Mu'min et Al-Kafir? C'est la croyance bihadha al-yawm. Et bien sûr, la croyance en Allah, ou al-Rusul, etc. Lakin, ton comportement et la façon d'accepter ou pas l'ilm, de mettre en application, beaucoup c'est par rapport au jour du jugement. Pourquoi le Mu'min s'écarte du haram? Pourquoi le Mu'min, cette période qu'on vit l'an, wallahi alhamd, hada al-shahr al-mubarak, pourquoi le mu'min se prive de boire, de manger, d'avoir des rapports avec sa femme? Alors que Obama, tu es dans un endroit seul, dans une pièce seule, si tu bois, tu manges, personne te voit, illallah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi qui pousse le mu'min à ne pas manger? C'est hada al-iman. Non, il sait que s'il mange, c'est haram, il risque le châtiment. Pourquoi le kafir al-an, on est fait ramadan? Normalement, le kafir, kadhalik, il doit ne pas manger, ne pas boire, il doit jeûner, le kafir. C'est un être humain, lui aussi doit adorer Allah Azza wa Jal. Falimad al-kuffar al-an, il donne aucune valeur à hada siyam. Li'annahum la yu'minun bil-akhirah. Ka'annahum, ils n'auront pas de compte à rendre. Ben, ils ont atteint un niveau, comme taqaddam ma'ana, anna dans leur testament et l'akhir, ils demandent à que le corps qu'il soit incinéré. Ils pensent qu'après la mort, ça s'arrêtera. C'est très très profitable pour le mu'min. À chaque fois que tu as un manque dans une obligation, rappelle-toi l'akhirah, tu rendras des comptes. À chaque fois que ton âme, ton nefs, ton cœur, ton shaitan, il veut t'attirer vers un haram, rappelle-toi de l'akhirah, tu auras des comptes à rendre. Fidunya, c'est utile, kadalik. Fidunya, ils ont une échéance, un jugement, un rappel, et ils ne doivent pas faire telle chose, ils font attention. Ils font attention. Limada, les annahum, ils espèrent une chose, ou ils craignent une chose. Mathalan, ce qu'on vit l'un avec cette épidémie, tu ne dois pas faire telle chose, limada, les annahum, tu risques telle chose. Beaucoup de gens, ils serraient la main aux femmes, ils ne serrent plus la main aux femmes. Ils serraient la main aux hommes, ils ne serrent plus la main aux hommes. Wa'adhanas, ils ne mettaient pas le masque, maintenant ils le mettent. Pourquoi les annahum, ils espèrent la bonne santé et ils craignent la maladie. C'est pour ça qu'ils font ces efforts. Il n'y a personne n'aurait porté de masque, tout le monde travaillerait, les hommes, ils serraient encore les mains aux femmes, il a akhiré. Fata'ammal hada. Al-an, c'est une mas'ala, c'est pas une maladie, c'est pas un virus. Wallahi, hada, le virus, c'est une rahma, comme taqaddam, pour le mu'min, s'il est touché, c'est une rahma, c'est une cause pour qu'il meure martyr. Al-mas'ala, c'est mas'ala de jannah ou nar. Anna, celui qui obéit pas Allah subhanahu wa ta'ala et qui suit pas son messager alayhi salatu salam, il risque un châtiment énorme. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah wa qala ta'ala sayadhakkaru man yakhsha. Kadhalik, celui qui se rappelle, c'est alladhi yakhsha, yakhsha Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui craint. An-nasiha yastafid minha. Et les rappels, il en profite, et les récits, il tire des leçons. قال فإن من لم يؤمن فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم. C'est pour ça que les kuffar ne tirent aucun profit des peuples qu'ils étaient avant nous. Les mu'mins tirent beaucoup de leçons. قوم لوط, pourquoi ils ont été châtiés? Pharaon, pourquoi son peuple et lui ils ont été châtiés? Pourquoi كذلك ce qui s'est passé قصه آدم قصه le peuple de Noé, pourquoi ils ont été noyés? Tout ça, ils retirent des leçons. Al-Kuffar, qu'est-ce qu'ils retirent? Maintenant, Al-Kuffar, ils sont intrigués par l'arche de Noé. Aïsafinat Nuh. Ils sont intrigués. Pardon, ils disent, elle est à l'endroit. Et Mouhim, s'il la trouve, il voudrait la visiter. Mouhim, ils aiment ces choses. Ça devient homme du tourisme, de la culture. Al-Mu'min, c'est pas comme ça. C'est pour ça que dans notre din, on n'a pas le droit de suivre hadhihi al-athar. Maintenant, l'arche de Nuh, tel endroit où tel homme il a été enterré, et tout ce qui est lié à l'archéologie et suivre les athars, tout ça, ça fait pas partie de la voie des salafs. Limadha li anna al-ibra des qoms qui étaient avant nous, c'est ce qui leur est arrivé. Pas la maison qu'ils ont délaissée, ou le bateau, ou, hada ma sa tastafid minhu shay. La tastafid minhum des ibar azima de ce qui leur est arrivé. Qala, ولا زال الدهر فيه الشقاء والسعادة أما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. Et الكفار ils citent ces histoires. Ils ont fait des films sur Nuh, sur Moussa. Ils ont écrit des livres, que ce soit pour les enfants ou autres. Certains يؤمنون بهذه القصة, لكن ça reste des histoires qu'ils lisent, ou ils en ont fait يدن بالله des films, et ça s'arrête là pour se divertir. Al-Mu'min, il se divertit pas avec hada, abadan. Al-Mu'min, c'est un mu'min. C'est une histoire de iman, amla. Bi-idnillah, azza wa jal, tu profiteras fil jannah. Amma fi hadi dunya, khud al-ibar. Donc, hada dars, c'est un dars azim. On ne doit pas se comporter avec la biographie du prophète, alayhi salatu salam, ou les biographies des messagers et des prophètes, sallallahu alayhim ajma'in, wa hakada, des compagnons, radiyallahu anhum et des salafs. Comme Haoula, ça devient de la culture. Des dessins animés, des bandes dessinées, et ça s'arrête là. Là, normalement, si on étudie leur biographie, c'est pour mettre en application. Mathalan, les doros d'aujourd'hui, c'est afadna des fawaïd azim par rapport aux invités. De l'histoire de Ibrahim. Ils vont lire l'histoire d'Ibrahim, ils vont la propager, des dessins animés haram, ils vont représenter un prophète, c'est une chose très très grave, et comme de Maasi, etc. Tout ça au nom de la biographie. Thumma, il a un invité, Rubama, il ne l'accueille pas, Rubama, il ne lui donne rien, Rubama, comme min masa'ib. Ça nous montre Anna. Al-Mu'min, il doit avoir comme mode de vie Al-Qur'an ou Sunnah et prendre comme modèle Ha'oula. Amma, l'apparence, les décors, les paillettes, هذا لا ينفع لا ينفع عند الله عز وجل. قال والمقصود بهذا إنما هو التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وإيثار نعم كان هو إيثاره أو إيثار كنوزه وإثارة نعم أو بفتح الراء. أما الكسرة كنا هنا لعله سأخطأ. قال واستنباط أسراره وإثارة كنوزه نعم وإثارة الكسرة اللي سور التاء سور تحت التاء المربوطة. قال واعتبار بهذا غيره والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فسي سا لو مقصود. Pourquoi les deux durous qu'on a fait aujourd'hui ensemble, la lecture de ce chapitre, quand dans le chapitre précédent, rahimahullah, il a cité que la provision essentielle, ce que tu auras besoin pour ton voyage, ta hijra ilallahi wa rasoul alayhi salatu salam, c'est de méditer sur le Coran, de apprendre ce Coran, de comprendre ce Coran. C'est un mode de vie. Comme a dit Aisha radiyallahu anha, « Kana khulquhu al-Qur'an » Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, son parcours, il était fondé sur le Coran alayhi salatu salam. Enfin, après avoir cité Allah, le chapitre suivant, celui qu'on vient de lire aujourd'hui, dans ces deux cours, il a cité un mithal pour te montrer l'importance de donner du temps sur la méditation, sur la réflexion et sur l'essence. Et il a cité toutes ces fawaïd en prenant comme exemple l'histoire de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Wa kama qala huna, innama huwa at-tamthil wa at-tanbih ala tafawut al-afham fi ma'rifati al-Qur'an. Et pour te montrer كذلك, d'un verset, tout ce que tu peux tirer, il n'a pas tout cité. Alayhi rahmatullah. Faliyada, c'est très très important de revenir aux kutub de tafsir. Khasatan fi hada ash-shahr al-mubarak. Bien sûr, on doit faire des efforts pour lire fil qiyam, lakin donne de l'importance كذلك. Donne de l'importance à étudier hada al-Qur'an al-Karim en revenant à kutub ahl al-ilm. Fa kama qala rahimahullah, istinbat asrarihi wa itharati kunuzi. Al-asrar, c'est le pluriel de sir. Sir, c'est le secret. Et les secrets que renferme hada al-Qur'an, que ce soit dans la langue arabe, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans l'aqida. Al-kunuz, c'est le pluriel de kenz, les trésors. قال واعتبر بهذا واعتبر بهذا غيره والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. Demande هذا الفضل. اسأل الله عز وجل من فضله. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite la compréhension du Coran, qui te facilite la mémorisation du Coran, qui te facilite l'apprentissage dans la langue arabe pour pouvoir comprendre le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu lui demandes sincèrement العلم pour pouvoir comprendre sa parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera. لأن الله سبحانه وتعالى il aime ceux qui font des efforts et il aime ceux qui méditent sur ses paroles عز وجل. Demande-lui بصدق وبإخلاص. Et بإذن الله عز وجل, on en a déjà parlé à nos frères, on a l'intention de commencer des cours sur le tafsir et inshallah ta'ala ça sera sur le livre Taysir al-Latif al-Mannan. Et le résumé du tafsir de Cheikh Saadi rahimahullah en un volume. On ne parle pas du tafsir de Cheikh Saadi, tous les versets. Là, on en a déjà parlé avec nos frères. Il a résumé le tafsir du Coran par thème. Et parmi les thèmes qu'il a cités, un chapitre sur les histoires des prophètes. Et il a cité cette histoire de Ibrahim alayhi salam et toutes les histoires des prophètes, lakin en résumé, et il a cité des leçons à tirer face à un kitab nafis jiddan. Ce livre, c'est pas l'explication du Coran de surat al-Fatiha après al-Baqara ila akhiri jusqu'à surat al-Nas. Là, il explique par thème. Maintenant, le premier thème, c'est tawhid. Et il cite des versets de surat al-Nisa, surat al-Baqara, surat al-Fatiha ila akhiri. Thumma un autre thème, le fiqh. Thumma un autre thème, le bon comportement. Thumma un autre thème, l'histoire des prophètes. Il a cité ces quatre thèmes Et le livre, c'est un mujallad en à peu près 200, 300 pages. Et le fait de l'étudier, c'est un miftah azim pour comprendre le Coran. Il a cité des règles et il a traité les différents thèmes. Maintenant, si tu as compris le thème du tawhid, tu comprendras la plupart des versets sur tawhid. Même si le cheikh, rahimahullah, il les a pas tous cités. Il les a cités dans son tafsir. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlihi. Walhamdulillahi rabbil alamin, naktafi bihada, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.